Mais que me conseilleriez-vous de faire le jour où je verrai que vous ne m'aimez plus? De prendre un amant. Que ferai-je ensuite le jour où mon amant ne m'aimera plus? Tu en prendras un autre. Combien de temps cela durera-t-il? Jusqu'à ce que tes cheveux soient gris, et alors les miens seront blancs. Savez-vous ce que c'est que les cloîtres, Pernican? Vous êtes-vous jamais assis un jour entier sur le banc d'un monastère de femmes? Oui, je me suis assis. J'ai pour amie une sœur qui n'a que 30 ans et qui a eu 500 000 livres de rente à l'âge de 15 ans. C'est la plus belle et la plus noble créature qui ait marché sur terre. Elle avait pour mari un des hommes les plus distingués de France. Aucune des nobles facultés humaines n'était restée sans culture en elle. Et, comme un arbrisseau de sève choisie, tous ses bourgeons avaient donné des ramures. Jamais l'amour et le bonheur ne poseront leur couronne fleurie sur un front plus beau. Son mari l'a trompée. Elle a aimé un autre homme et elle se meurt de désespoir. Cela est possible. Nous habitons la même cellule et j'ai passé des nuits entières à parler de ses malheurs. Ils sont presque devenus les miens. Cela est singulier, n'est-ce pas? Je ne sais trop comment cela se fait. Quand elle me parlait de son mariage, quand elle me peignait d'abord l'ivresse des premiers jours, puis la tranquillité des autres, et comme enfin tout s'était envolé, comme elle était assise le soir au coin du feu, et lui auprès de la fenêtre, sans se dire un seul mot, comme leur amour avait langui, et comme tous les efforts pour se rapprocher n'aboutissaient qu'à des querelles, comme une figure étrangère est venue peu à peu se placer entre eux et s'est glissée dans leur souffrance. C'était moi que je voyais agir tandis qu'elle parlait. Quand elle disait « Là, j'ai été heureuse », mon cœur bondissait. Et quand elle ajoutait « Là, j'ai pleuré », mes larmes coulaient. Mais figurez-vous, quelque chose de plus singulier encore. J'avais fini par me créer une vie imaginaire. Cela a duré 4 ans. Il est inutile de vous dire par combien de réflexions, de retours sur moi-même, tout cela est venu. Ce que je voulais vous raconter, comme une curiosité, c'est que tous les récits de Louise, toutes les fictions de mes rêves, portaient votre ressemblance. Ma ressemblance? À moi? Oui, et cela est naturel. Vous étiez le seul homme que j'eusse connu. En vérité, je vous ai aimé, Perdican. Quel âge as-tu, Camille? 18 ans. Continue, continue, j'écoute.